temps, mais à chaque fois, vous précisez votre prénom afin que l'intervenant puisse vous répondre directement. Est-ce que vous avez des premières questions à poser? Alors, vous pouvez les poser bien évidemment aux deux personnes ou à une personne en particulier. Alors, ça peut être des questions, ça peut être la forme d'une preuve, un témoignage. N'hésitez pas. Je vais commencer. Hier, justement, je participais à un groupe de travail, une réunion sur l'établissement éventuel d'un salaire universel, un revenu universel. Alors, puisque vous avez beaucoup étudié cette population des exclus, vous avez sans doute déjà imaginé ou pensé à ce problème. J'aimerais savoir quelle est votre opinion un peu sur l'utilité de l'établissement dans un pays riche comme la France, hein, la possibilité d'un revenu universel qui serait donné à tous, sans considération bien sûr de son travail, de son origine, c'est pour ça, hein, mais le fait de dire que la communauté française est arrivée à être, enfin la communauté, oui, dans un pays développé, la production sociale est suffisante pour que l'on puisse commencer à réfléchir, à admettre que tout membre de cette collectivité puisse maintenant vivre décemment. Ce serait ça l'idée d'un revenu universel. Hein? Alors, comment... Alors, c'est un sujet très complexe. Hein? Beaucoup de gens disent, oui, mais ça serait évidemment favoriser l'oisiveté, favoriser les passagers clandestins, etc. Donc, j'aimerais connaître un peu votre opinion sur l'impact éventuel d'une telle mesure sur cette population de marginalisés. C'est compliqué pour reprendre dans la mesure que, comme principe, je pense que toute personne qui se trouve dans une situation de précarité extrême doit bénéficier de la solidarité nationale, de la solidarité tout court. Donc ce revenu universel, je pense que devrait absolument exister. Le problème, c'est que vous partez de l'idée que j'avais justement, quand Claire a dit qu'il peut avoir ces méchants ou ces gentils, vous partez de l'idée que bon, qu'il peut avoir des détournements, on peut encourager la oisivité, qu'on peut encourager la fainéantisme, etc. Mais ça, c'est précisément ce qu'il faut peut-être lutter contre. C'est lutter contre cette image, parce que les personnes, en réalité, tout ce qu'ils font, c'est lutter pour améliorer leurs conditions. Donc, vous me mettez dans une situation compliquée, parce que moi, je pense que ce revenu doit exister. De base, cette solidarité, cette solidarité est un droit, parce que ça fait partie, comme les sans-abri me disent, moi, j'ai cotisé. Donc, dire « j'ai cotisé », ce n'est pas seulement dire « j'ai payé, j'ai travaillé », c'est dire aussi « je fais partie de cette histoire sociale, je fais partie de la communauté ». Donc, je pense que dans la distribution, il est fondamental que ces personnes bénéficient de ce, vous l'avez appelé, salaire universel, de ce revenu de base, en tout cas, qui ne sera jamais suffisant parce que ces personnes ont besoin de beaucoup plus que ça. Oui, merci beaucoup. Pour peut-être Claire, tu... Non. Je ne sais pas. C'est... Après, c'est pas... D'accord. Oui, après. Merci beaucoup. Moi, je suis très touchée par votre témoignage. Et il y a beaucoup de réalité, hein, parce que j'ai parcouru. Donc, voilà. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, j'ai parcouru il y a 20 ans. Mm-hmm. Voilà. Donc, vous voyez... Alors, de plus en plus, il y a des instituts, mm-hmm. Il y a des chercheurs, pardon, il y a des travailleurs sociaux, mm-hmm. des associations, il y a énormément de services qui s'occupent et des champs, des mm-hmm. personnes. Et la misère, elle est là de plus en plus. Je suis persuadée, dans vos personnes que vous avez rencontrées, dans quelle situation ils en sont aujourd'hui. Mm-hmm. Je suis persuadée qu'il n'y a pas beaucoup de progrès, il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture. Et comment se fait-il qu'avec tous les moyens de réflexion de l'humain, de cette richesse que l'humain peut apporter, et qu'on n'avance pas, vous voyez, mm-hmm. alors c'est la richesse financière qui manque. C'est ça. Ou alors il y a trop de population. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour faire pour que ça stoppe? Parce que c'est quand même dramatique. C'est, vous voyez, je veux dire, il n'y a aucune évolution. Ah si, il y a des évolutions. Oh. Ah. Oh. Pas nécessairement positif. Il n'y a pas de. Ouais. Non, y a pas de... L'économie, la question économique, c'est la question du partage. Comment se fait le partage de l'ensemble des acteurs qui contribuent à la richesse? Donc c'est une question éminemment politique. Alors quand vous dites que la pauvreté, le partage est illégal actuellement, c'est tout. Donc en fait, il faut poser la question globalement, économiquement, comment s'effectue le partage économique? Alors, à l'échelle de l'Europe. Mais je crois que Claire vous a très bien expliqué avec le processus de la production de cet État facilitateur, cet État providence qui devient de plus en plus cet État facilitateur, pour voir aussi que ce problème de la question du partage s'éloigne de plus en plus. Ben ouais, c'est ça. Je vais dire, mais en même temps, je serais d'accord que il y a, je pense moi aussi, hein, depuis que je suis arrivée en France, que je travaille sur la question de son service, c'est-à-dire là, cette année, 20 ans. Mais j'ai vu aussi quand même des volontés en tout cas politiques et des volontés plutôt associatives et des volontés à travers les mouvements de revendication des personnes sans abri, qu'il y a eu aussi d'amélioration. Le problème, c'est que je pense qu'il faut revendiquer plutôt d'abord la question du droit. On est en train, par exemple, avec toutes les nouvelles lois, les nouvelles dispositifs qui se sont mis en place, il semblerait qu'on passe parce qu'il n'y a pas de droit effectif, hein, on passe du droit du logement d'urgence, par exemple, au droit à l'hébergement, et toujours est différée la question du droit au logement. Donc vraiment, moi je pense que la question du droit et de faire effectif le droit, c'est encore pour moi une dette très importante, et on met constamment les personnes, parce que les statistiques montrent, comme je viens de dire, que les personnes sont d'origine souvent ouvrières ou qu'elles étaient des travailleurs, que ses parents étaient des travailleurs, mais qui sont actuellement aussi des travailleurs. Donc je ne comprends pas pourquoi les personnes devraient être constamment dans de ce que j'appelle des purgatoires sociaux, hein, c'est-à-dire ces différents types de dispositifs qu'il semblerait comme des formes d'expiation pour rendre compte de qu'ils sont éligibles au droit, hein, et qu'ils peuvent accéder immédiatement à un logement courant comme tout le monde. Mais peut-être Claire aussi, elle peut là intervenir. On parce touche que des sujets vraiment vastes et en même temps déterminant. Bon, pourquoi on n'avance pas? Est-ce qu'il n'y a pas assez de richesse? Est-ce qu'il y a trop de monde? Est-ce qu'il faut assurer un revenu minimum à tous? Je pense que, si vous voulez, je vais essayer de construire une réponse. Y a des principes politiques qui s'opposent. Et parfois, il y en a un qui gagne, et puis l'autre qui perd, et puis parfois, c'est des mélanges. Alors, si vous voulez, le principe, je parlais du principe malthusien au départ, c'est-à-dire le principe qui dit... Malthus, c'était un pasteur qui a inventé... on parle d'idées malthusiennes maintenant, qui a inventé l'idée très conservatrice, selon laquelle, et qui était dans l'air du temps à l'époque, début de la révolution industrielle en Angleterre, fin du XVIIIe siècle, tout début au moment de la Révolution française, en 1790-1800, elle dit non, mais les pauvres, il faut qu'ils se débrouillent, les pauvres. Il faut qu'ils se débrouillent. Il n'y a pas de solidarité nationale, il n'y a pas de solidarité. Si, il y a la charité. Il y a la charité qui est un devoir moral, c'est un pasteur. Donc, au fond, celui qui fait trop d'enfants, eh ben, il n'a pas de place au banquet de la nature. Donc, s'il meurt, c'est de sa faute. Et c'était à l'époque en Angleterre un débat politique extrêmement aigu parce que c'était la question des lois sur les pauvres. Est-ce qu'il fallait que la collectivité s'organise pour payer pour les autres, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait que la solidarité nationale, enfin qu'on organise une solidarité nationale, comme ça a été fait par la Révolution française. Voilà, l'État est responsable des pupilles de la nation, l'État est responsable de l'assistance des pauvres, l'État est responsable. Ben oui, c'est des principes solidaires hein, sur lesquels s'est fondée une partie après de notre histoire nationale. Mais en Angleterre, quand Malthus a développé ses théories, c'était est-ce qu'il faut des lois sur les pauvres ou est-ce qu'il faut que ça soit livré vraiment à la sphère privée ? C'est-à-dire, soit ils sont aidés par les nobles du coin, les élites les locales dames, et religieuses, les dames patronesses, etc. Oui. Soit ils se débrouillent et ils meurent s'ils font trop d'enfants. Donc c'était aussi une façon de résoudre à sa manière la question démographique. Alors, moi, je crois qu'on est tout le temps en train de balancer entre ces principes-là, le principe ultra-libéral, hein, chacun pour soi et Dieu pour tous, ou pas de Dieu, mais chacun pour soi, et que le meilleur gagne, et le principe solidaire. Et le principe solidaire, il a quand même gagné aussi dans notre histoire. C'est pour ça que je revenais sur la construction de l'État-providence, parce que l'État-providence, c'est l'expression de l'État, c'est l'expression de la solidarité collective, plus ou moins bien réalisé, mais avec des acteurs forts de la solidarité collective. La sécurité sociale, c'était une conquête, c'est pas venu tout seul. Les droits sociaux, ça a été des conquêtes, c'est pas venu tout seul. Mais ça a joué, ça a construit une base d'un État social, donc Providence, on a dit, c'est-à-dire qui se portait garant de cette solidarité nationale. Alors, aujourd'hui... Ce système-là, il ne s'est pas mis en place tout seul, et ce système-là, il s'est mis en place d'une manière, je dirais, un peu exceptionnelle, hein, dans un contexte donc, de croissance économique, où tout le monde s'est mis d'accord, les patrons, les syndicats, les associations familiales, qui étaient très fortes à l'époque, les dessinateurs de villes, les urbanistes, le gouvernement, et j'en oublie, et les bâtisseurs, les financeurs du logement, etc., pour faire profiter à la classe salariée d'un logement confortable. Alors là, il y a eu évidemment beaucoup de progrès, pour tous ou presque. Ça, c'est la base de l'État solidaire, enfin de la solidarité collective. On est sans... Bon, aujourd'hui, je dirais qu'on est du côté de l'ultralibéralisme avec... la balance, elle est complètement du côté... vous voyez bien l'année dernière mesure, et vous avez vu en Angleterre ce qu'ils ont fait, ils ont coupé de 50% les budgets du logement social. Ça veut dire que je ne sais pas ce qui va se passer. Les associations aujourd'hui, on voit bien qu'elles sont sur le grill, les subventions ne vont pas être renouvelées, etc. Donc c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, il y en a de l'argent. Enfin, je veux dire, alors après c'est un débat peut-être dans lequel moi-même je suis un peu dépassée, c'est-à-dire qu'on a des masses financières flottantes qui se déplacent au-dessus de nos têtes tout autour du monde et qui sont des sommes considérables qui sont en inflation ou en déflation jour après jour. Enfin, on voit bien le problème de la spéculation financière. Donc, les richesses, elles sont là, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment on les distribue, comment on les partage. Alors, ce que je voudrais juste dire sur la question des principes libéraux, principes solidaires, enfin, principe malthusien ou principe solidaire, c'est que dans cette affaire aujourd'hui, pourquoi finalement on n'accorde pas un revenu universel ? Moi, je suis plutôt pour aussi. Encore qu'après, il faut voir à assurer vraiment une continuité sur toute la vie. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit une assurance universelle sur la vie. Une assurance santé, une assurance logement, une assurance revenu minimum, etc. Mais... Dans ce système aujourd'hui, là où on peut peut-être voir les choses concrètement, il y a des acteurs faibles et des acteurs forts. Les acteurs forts, c'est qui ? C'est les banques, on voit bien. C'est ceux qui prêtent l'argent et qui prêtent... C'est pour ça aussi que l'accès sur la propriété est problématique. C'est n'importe qui obtient un crédit pour acheter un logement. Donc, les banques... le secteur de la construction en France, c'est... je ne voudrais pas dire de bêtises, en plus c'est enregistré, mais il me semble que c'est de l'ordre de 20% du PIB. C'est énorme, c'est des richesses faramineuses. Donc, ce secteur-là, ça c'est un acteur fort aussi dans le système. C'est-à-dire, les gens qui construisent, les gens qui financent. Jusqu'à un certain point, les acteurs du logement social sont encore un acteur assez fort aujourd'hui. Ils se sont réunis à Strasbourg, là, en septembre. le gouvernement mène des attaques de front en diminuant les financements. Bon, c'est un secteur qui a une légitimité historique. Le logement social ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais on voit bien qu'il est en position d'affaiblissement. Hein. Donc, les habitants et les associations sont en position de vulnérabilité. On voit bien que les vulnérabilités circulent comme ça. Alors, c'est pour ça que je pense qu'en effet, ce qu'il faut arriver à réhabiliter, c'est l'idée que s'il n'y a pas, si on ne remet pas sur la table la nécessité d'une construction, d'une solidarité collective, enfin, les problèmes ne vont pas se résoudre. Alors, ce n'est pas non plus complètement désespérant et désespéré, parce qu'il y a des tas de choses qui se font, des initiatives même qui partent de pas grand-chose, avec bon, des microcrédits, alors ça c'est un autre domaine, mais des petites initiatives ou des initiatives de coopératives d'habitat, par exemple, qui arrivent à bénéficier de financements publics pour construire des choses qui sont utiles socialement et qui peuvent résoudre des questions. Mais on voit bien que la richesse des initiatives citoyennes comme ça, elle est bridée, elle est brimée par ce que j'ai expliqué, quoi, cet état facilitateur qui laisse complètement la bride aux acteurs forts, hein, propriétaires, spéculation. Moi, je ne vois pas tellement d'autres solutions que une remise à plat de la question des loyers et des prix de l'immobilier. Réagir entre vous, vous puissiez vous citer. Bernadette Malorand, membre de l'UPT, un petit peu en stand-by. Voilà. Je voulais m'adresser à vous et sur le récit, les récits de vie que vous avez récoltés à Clamart. Ça m'a aussi beaucoup touchée parce que je me disais, mais ces sans-abri, ils sont quand même, malgré tout, il y avait un côté positif qui ressortait évidemment de ce récit, parce qu'ils sont enracinés dans un lieu et dans un espace où ils peuvent reconstruire leur mémoire et se reconstruire eux-mêmes par rapport à cet accident de la vie qui a fait qu'ils vivent dehors. Se reconstituer quelque part. Et qu'est-ce qu'il en est alors de ces gens de passage, ces étrangers qui arrivent dans un lieu où ils ne peuvent pas se mémoriser ces espaces, ces souvenirs de lieux de leur enfance ou d'une vie où ils retrouvent des collègues, etc. Mais comment ces gens-là peuvent s'en sortir? Quelle misère psychologique, affective, ou est-ce que, au contraire, ces gens de passage, comme les étrangers, par exemple, qui arrivent là, qui sont sans abri, qui sont complètement désorientés, est-ce que ceux-là n'ont pas encore des forces supplémentaires pour survivre et pour pouvoir s'en sortir encore plus? Est-ce que vous avez des études là-dessus que vous avez faites? Non, c'est intéressant ce que vous dites parce que en réalité, cette catégorie de personnes de passage, je les avais rencontrées tout au début et disons que moi je les avais aussi appelées comme ça, jusqu'à ce que précisément, mais ça c'est la durée, hein, ça c'est ce que permet vraiment le travail des terrains d'être là. Je me suis rendu compte que ces personnes que je les appelais de passage, parce que par exemple, ils allaient à ce qui existait avant le bureau d'aide sociale et qu'on les retrouvait de passage dans certains espaces de la ville, en réalité, ils revenaient toujours à un même espace, à un lieu. Donc, toute cette circulation, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout cet déplacement continuel pendant la journée, à la recherche de la résolution de la vie quotidienne, hein, de la routine, de la routine quotidienne, en réalité, après, je voyais que les personnes revenaient toujours à un espace déjà maîtrisé, même s'ils n'appartenaient pas. Et alors, ce qu'on voyait, c'était que les personnes avaient toujours nécessité, si ces personnes n'étaient pas de cet espace, n'étaient pas nées ou n'avaient pas vraiment vécu longtemps, il y avait tout un travail de tissage et de production d'une histoire. Par exemple, les personnes, en général, ils voulaient ou ils essayaient de comprendre ou de connaître l'histoire du quartier. Et c'est ça ce qu'ils me proposaient immédiatement. Tu veux que je te raconte le quartier, alors que ce n'était pas forcément leur quartier ou leur quartier de naissance, ou etc. Parfois, ils venaient presque d'arriver. Et ce que j'ai aussi, par exemple, constaté, c'est que tout l'effort quotidien, la lutte quotidienne, c'est de personnaliser constamment les relations. Hein, vraiment de construire des relations personnel, je dirais une hyper-personnalisation jusqu'à produire un territoire. Je dirais vraiment, il y a une construction d'un espace d'appartenance, à tel point que, par exemple, quand on s'attache à l'assistance sociale qui s'occupe, par exemple, de la personne, et ils sont dans un registre constamment où ils veulent casser, disons, la relation de médiatisation qu'ils ont entre eux et la loi, disons, ou la mesure ou les bénéfices, pour construire une relation personnelle avec l'assistance sociale. Et quand l'assistance sociale ne vient pas ce jour-là, parce qu'ils savent qu'elle sera absente, on ne vient pas. Donc, tout le mythe, etc., par exemple, du rendez-vous raté, toute la question du rendez-vous raté, le rendez-vous raté, c'est où, parce que vraiment les personnes ont eu un inconvénient ou parce qu'ils ont du mal à abandonner leurs espaces économiques de tous les jours. Donc, le rendez-vous raté, c'est aussi, une espèce de rapport de force avec le travailleur social parfois finalement, c'est paradoxal pour créer ce lien. C'est-à-dire, je suis absente, tu as besoin de moi, mais moi aussi, je maîtrise la situation, je viens quand je veux. Donc, il y a autour de la question, par exemple, de ce rendez-vous raté, il y a des choses très, très intéressantes à voir, comment les personnes aussi se construisent à travers la recherche d'un compte à soi. Mais je dirais que, alors, pour revenir à la question des personnes en passage, finalement, elles sont relatives. Il y a des personnes qui passent, bien entendu, il y a des personnes qui vont à la recherche des bénéfices sociaux et qui savent, par exemple, dans ce vestiaire, tu sais, on donne telle chose, alors on va aller à ce vestiaire, hein, parce que, bien entendu, la survie a besoin aussi d'un calcul, hein, des calculs, de tout ce que, en général, l'appareil social dénonce comme des profits, en réalité, c'est que des stratégies de survie, hein. Ce n'est pas du calcul, parce qu'on ne gagne pas hein, beaucoup en allant à faire. Moi, j'ai rencontré des personnes qui font 5 vestiaires par jour, etc. Et après, c'est vrai, et après, ils revendent, et après, ils entrent dans l'échange. Mais oui, mais c'est une économie, je dirais, une économie morale, hein. C'est une économie de survie, mais c'est une économie absolument à contempler. Donc, il faudrait peut-être travailler sur cette catégorie de personnes de passage, jusqu'à quel point il y a ce passage où, en réalité, toujours on revient un territoire d'appartenance, un territoire de sécurité, un territoire où les liens sont aussi présents. Je travaille sur la question aussi des hôtels meublés et comment des lieux de mémoire. Enfin, des hôtels meublés, j'essaie de voir si ce sont des lieux de mémoire. Alors là, on est sur un autre type de précarité de l'habiter. Mais oui. Je voulais dire deux choses par rapport à votre question, en effet, qui pose un problème lequel j'essaie de trouver des réponses. Moi, je pense qu'il peut y avoir des ancrages non localisés. C'est-à-dire vous voyez, les migrants, exactement, par exemple. Alors, migrants, ça ne veut rien dire en soi, si ce n'est que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, mais qui seraient en plus dans des situations précaires. Le groupe peut être un lieu d'ancrage. Et par exemple, les anthropologues qui travaillent sur les Roms, c'est encore une autre situation parce que ce sont des migrants forcés, en quelque sorte, mais ils ont aussi parfois des modes de vie qui peuvent être sur ce que Jean-Pierre Léjoie appelle les polygones de vie, c'est-à-dire ils sont ancrés dans plusieurs lieux. Ils ne sont pas ancrés dans un seul lieu et ils sont ancrés dans le groupe, surtout dans le groupe. C'est-à-dire dans les sociétés nomades, on n'est pas forcément dans un rapport statique au lieu, on est ancré dans un groupe, inscrit dans un groupe. Ça, c'est important, je trouve aussi. C'est-à-dire, avec Emmaüs, on a travaillé avec les gens des maraudes. Bah, on voit bien, un groupe de Polonais, bah, ils sont toujours au même endroit. Enfin, ils ont plusieurs endroits, mais ils sont entre eux. C'est-à-dire, il y a un ancrage dans un groupe qui est temporaire, qui va, mais qui joue une fonction. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à cette question de l'hébergement traditionnel ou institutionnel, on n'a pas le même rapport à sa propre histoire et à la, enfin, ce que j'ai constaté dans les histoires de migrants, par exemple, quand on est dans un hôtel meublé où ça se passe bien, où on est avec des gens, même si on est misérablement logé, mais avec des gens avec qui on est à égalité, parce qu'on a des histoires qui peuvent être... Moi, je travaille sur des hôtels, par exemple, où il y a des hôtels algériens, où il y a des gens qui avaient une histoire liée au FLN, des gens qui ont une histoire de Harki, des gens qui ont des histoires liées, voilà, des légionnaires de l'armée française, enfin bon, et qui n'ont pas du tout en partage une histoire commune. Mais elle est commune quand même, et ça fait un cadre social qui est porteur, hein, comme Al-Fakhzi, un cadre social d'une mémoire collective qui est possible. Et par contre, dans l'hébergement institutionnel, c'est cassé, ça. C'est-à-dire, enfin, bien souvent, c'est cassé parce que on est dans un rapport inégalitaire avec l'assistante sociale ou la personne, même si elle est pleine de bonnes intentions, c'est pas le problème. Mais on est dans un rapport de donner la preuve que, comme disait Claudia, administrer la preuve qu'on est capable, qu'on est bien au rendez-vous, qu'on est ceci, qu'on est cela. Alors tout un tas de tactiques se mettent en place, etc. Et là, on n'est pas dans un espace égalitaire, donc peut-être que la mémoire ne peut pas être mobilisée de manière positive, ou quand même on ne veut même pas en entendre parler, parce que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est... Donc moi, c'est pour ça que je fais vraiment une différence entre ce que j'appelle l'hébergement traditionnel, même si c'est parfois assez lamentable comme condition, mais où il y a de la négociation d'égal à égal, plus ou moins, et un environnement qui est égalitaire, disons. Et puis l'hébergement institutionnel, où les gens sont sans arrêt sommés de faire la preuve qu'ils sont intégrables, administrables, logeables, employables, etc. Je force un peu le trait, mais c'est un peu ça. Donc c'est important aussi, la qualité de l'espace, elle est aussi liée à la manière dont elle est régulée, de manière plus ou moins autoritaire, de manière plus ou moins violente. Oui, et pour ajouter, en écoutant Claire, ça me vient, c'est très intéressant de voir comment, dans tous les dispositifs de logement d'urgence, d'hébergement d'urgence, on est toujours parti de l'idée qu'il fallait en réalité ne pas permettre la personne qui s'installe, et alors on empêche de produire un chez-soi. Mais qu'un chez-soi, en écoutant aussi clair, que c'est ce chez-nous. C'est pas seulement le chez-soi où on se particularise et on s'individualise et on laisse de marques. Perec disait, quand est-ce qu'on peut définir un chez-soi, quand est-ce qu'on a laissé des traces de punaises sur le mur parce qu'on a mis des photos, etc. Et alors, c'est intéressant aussi, cette politique que jusqu'à maintenant, bon, maintenant avec les nouveaux dispositifs de stabilisation, de toute manière qu'il y a, alors c'est impressionnant parce que cette nouvelle décision de déstabilisation, encore une fois, diffère, hein, le droit au logement, encore une fois. Je dirais que jusqu'à cette nouvelle politique, on encourageait que les personnes ne restent pas, hein, dans un espace parce qu'on pensait qu'alors il allait s'installer, la personne allait s'installer. Donc, que, alors, l'idée que vous avez dit, fainéantisme, etc., ne pas vouloir vraiment transformer sa vie ou changer ses conditions de vie, allait envahir la personne. Et en réalité, ce qu'on faisait, c'est vraiment... et qu'en plus, alors l'autre terme, c'est la personne n'allait pas accéder à son autonomie. Alors qu'on sait très bien que l'autonomie, c'est le résultat en réalité d'un sentiment de protection et d'une solidarité. L'autonomie, ce n'est pas précisément devenir un acteur libéral, hein, responsable complètement de lui-même et un acteur égoïste, disons, hein, dans la société commune. De la même manière qu'avec les tziganes, et moi je suis d'accord, on encourage le passage. Et en même temps, je trouve que c'est très important ce qu'a dit Claire, sur qu'on peut construire des chez-soi dans une situation d'instabilité et non temporaire. Hein, c'est-à-dire d'appartenir aussi, d'avoir multiples appartenances hein, et ne pas être complètement ancré non plus dans un territoire. On fait partie parfois des réseaux hein, qui m'obligent, c'est vrai, au passage, hein, mais qui en même temps me construit un territoire d'appartenance majeur. Juste là, on va prendre les dernières questions parce qu'après on va voir qu'il y avait vous deux. Essayez de faire. Essayez de faire pour à la fois dans les questions. Non, je voulais. Moi, je suis Xavier, que je travaille depuis plus de 10 ans avec les gens de la rue. Alors, Eric, vous présentez vous. Oui, non, je me présente, mais maintenant, je travaille toujours auprès des gens de la rue. Effectivement, très, très, très sensible à ce que vous avez dit. Mais je voudrais réagir rapidement sur l'hébergement précaire, l'hébergement d'urgence institutionnel. Moi, je trouve qu'actuellement, c'est très violent parce que, justement, avec la stabilisation, on met la barre de plus en plus haut. C'est-à-dire qu'on fait du haut seuil, ce qu'on appelle le haut seuil, et qu'en fait, on est de moins en moins, même les travailleurs sociaux, dans la capacité d'accueillir des gens qui sont de la rue avec leurs problématiques qu'ils peuvent avoir. Voilà, on fait de plus en plus du 3 étoiles ou 4 étoiles dans l'accueil de l'hébergement d'urgence. Et c'est dramatique parce que, il y a toute une population comme ça qui est de plus en plus rejetée de l'hébergement. 115, il n'y a jamais de place. Et ça, c'est. Donc, on a une tendance, effectivement, après, à rejeter de plus en plus des gens, des lieux. Aussi. Là où je voulais réagir également, c'était par rapport à la mémoire des personnes. C'est qu'effectivement, la population de la rue, il faut quand même le préciser, est quand même une population très hétérogène. Oui, bien sûr. Et que bon, travailler sur la mémoire, ça peut se faire effectivement avec une certaine population, notamment les plus anciens. Mais, ça dépend après de l'état de connaissance. Si on utilise 15 ans de rue, après, vu à l'état de dégradation de la mémoire, c'est plus difficile de travailler. Mais les jeunes sont beaucoup moins dans la stabilité sur un territoire. Enfin, je vois à Tours, les jeunes bougent beaucoup. Et nous, en tant que travailleurs sociaux, on a beaucoup de mal à les fidéliser ou à avoir une accroche avec eux. On est plus dans une réponse à des besoins immédiats. Mais il faut vraiment travailler avec le temps, après avec le jeune, pour la relation de confiance et l'amener petit à petit à travailler sur sa mémoire. Tu n'es pas obligé en plus de travailler sur la mémoire. Il y a le droit à l'oubli aussi. Hein. Bien sûr. De toute façon, on n'est pas obligé non plus. Voilà, on est après, on fait avec ce que les gens nous donnent aussi de se raconter. Et c'est mais, aussi. La deuxième question. Mmh. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que la hantise dans le regroupement, évidemment, le regroupement pour tous ces gens exclus. C'est une sécurité, c'est une façon de se reconstruire et tout, mais la peur, c'est que ça se transforme en ghetto. Et la hantise du ghetto pour toutes les administrations. Ouais. C'est 7 minutes, quoi. Ouais. Je crois qu'il y a un problème fondamental quand même, c'est dans notre évolution. Vous avez parlé de l'abbé Pierre. Alors, moi, en 54, j'avais 14 ans, hein, j'étais petit scout à Paris. Bon, mon père n'avait pas de voiture, pas de télévision, pas de réfrigérateur, on n'avait pas d'eau chaude. Hein, on n'avait bien sûr pas de téléphone portable. Et à Noël, j'allais chercher les petits vieux dans les chambres de bonne à Paris pour les descendre pour le Noël, les petits frères des pauvres, on leur donnait un repas et tout ça. Donc il y avait de la misère. Hein, la rue Pierre, c'est de la misère, c'est des bidonvilles, etc. Maintenant, aujourd'hui, 80% des gens ont une voiture, 90% des gens ont la télévision, on a tous l'eau chaude. Enfin, à part, bien sûr, les 3% ouais. Les plus ou les 5% exclus, je suis d'accord. Mais disons que 80% de la population française a un niveau de vie quand même bien supérieur à ce qu'on avait dans les années 50. Et le discours sur la pauvreté est toujours aussi valable. Il y a toujours ce discours, je suis toujours avec madame dans beaucoup de conférences, on a toujours on sent qu'elle vit avec ses tripes en disant les gens n'arrivent pas à finir leur mois, les gens sont malheureux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, après 20 ans d'enrichissement, on en est toujours avec des gens qui sont malheureux? Bon, ça serait trop long, hein, mais je pense qu'il y a un phénomène d'addiction. Un phénomène d'addiction, c'est-à-dire que notre société ne se développe qu'en créant des besoins. C'est la fameuse filière inversée de Galbraith, là, on ne produit plus pour satisfaire les besoins, on crée des besoins pour pouvoir travailler, pour pouvoir produire. Ouais. À partir de là, créer des besoins, c'est créer des frustrations dont on ne sera jamais satisfait. Plus on est riche, ce n'est pas la richesse qui satisfait les gens. Il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir Eric Burt. Il a beaucoup d'argent, il en veut encore plus. Et tous les gens qui. Et tous les patrons qui ont de l'argent, ils ne sont jamais. Et si jamais ils sont satisfaits, c'est foutu, le système s'écroule. Une entreprise qui ne vend pas est une entreprise qui s'écroule, qui ne peut pas vivre. Donc, aujourd'hui, il faut faire de l'innovation, il faut créer des produits pour que les gens achètent. Et quels sont les gens qui achètent? C'est les gens qui ont du fric. Donc, on fait d'abord des besoins. Bon, j'arrête là parce que sinon, je vais être intéressant. Mais non, un mot quand même, puisqu'on parle du logement. Hein, en 65, je suis parti comme parti de la coopération en Guadeloupe. J'étais marié, j'avais une petite fille. On a été logé dans des HLM qui venaient d'être construits au Carbet. Pour ceux qui connaissent Pointe-à-Pitre, la ville, hein, les Carbet, c'était à l'époque, en 65, on foutait des barres d'HLM partout. Nous, on était ravis. On est arrivé en 65 dans ces petits HLM. On y a passé 2 ans. C'était merveilleux. Je suis retourné en Guadeloupe il y a une dizaine d'années. Hein, les Carbet, c'est devenu un bidonville. Hein? C'est-à-dire qu'on ne se satisfait plus du même logement, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On détruit tous les logements sociaux qu'on a faits dans les années 60, hein, pour la rénovation. Parce qu'on ne peut plus concevoir que l'on vive actuellement dans les barres parallèles, dans les parisiennes. Et il y a eu tout. Donc c'est pas facile à gérer. Ça va être difficile de répondre, mais en un mot, oui. Enfin, c'est même pas répondre, c'est continuer à la conversation. Si vous voulez, il y a eu une amélioration évidemment considérable du standard de vie. Hein. Il y a des chiffres, on consomme en moyenne 2,5 fois plus d'espace de mètres carrés par habitant qu'en 1960, par exemple. Bon, les niveaux de normes d'habitabilité sont énormément améliorés globalement. Ce qui pose d'ailleurs le problème que monsieur soulevait sur des normes dans les structures d'hébergement qui sont maintenant hors de portée. C'est-à-dire, c'est trop normé, ça coûte trop cher, donc, et ça ne correspond pas aux besoins. Alors ça, c'est vraiment aussi une autre question, enfin une question importante. Mais, comment dire, c'est pas que ce qui a convenu à un moment ne convient plus. Encore que c'est vrai que, bon, on veut toujours améliorer sa situation. Hein. Mais, bon, ces tours et ces barques ont été construites assez rapidement et parfois pas très bien dans ces années-là. Étaient pour les années 60-70, étaient pour les nouveaux arrivés, comme vous signalez dans votre expérience, souvent, bon, la rencontre avec la modernité, hein, l'eau chaude à la maison, de l'espace, etc., avec des inconvénients en termes de conditions de vie qui étaient éloignement du lieu de travail, plus surveiller les enfants du 12e étage, bon, des choses comme ça, c'est bien connu. Le problème, c'est que, d'une part, les habitants qui étaient là dans ces années-là, souvent sont partis parce qu'ils ont amélioré leur parcours de vie, ils ont accédé à la propriété, ou ils ont été dans un logement plus grand, ou plus près, confortable pour eux. Et puis, d'une part, donc ceux qui sont restés sont ceux qui ne pouvaient pas partir. Et d'autre part, toute la question d'une bonne maintenance des lieux, de bien gérer les équipements collectifs, etc., tout ce qui fait partie de la qualité de vie, s'est dégradé aussi. Oui. Mais maintenant, à quoi on assiste sur ces opérations de rénovation urbaine? C'est que souvent, bon, je donnerai juste un exemple qui a fait l'objet d'un petit film documentaire près de Poissy, La Coudray. Bon. Une municipalité qui veut se débarrasser d'une petite cité d'habitat social qui sait que le bailleur a laissé se dégrader longtemps, hein. Mais les gens veulent rester, mais la municipalité n'en veut plus. C'est un terrain qui va pouvoir être valorisé. Quand je dis valorisé, ça veut dire que le développeur va pouvoir faire énormément de profit si on lui vend le terrain pour construire à ce moment-là du logement qui ne s'adresse plus du tout aux mêmes populations, vous voyez. Donc, c'est pas qu'on veut toujours plus et que du coup, on est confronté à une société qui ne permet pas à tout le monde de s'enrichir autant qu'il voudrait. C'est qu'il y a, comme je disais, des acteurs forts qui prennent des décisions qui d'un coup vont transformer un quartier et peut-être que ça va bien se passer, peut-être que les gens vont être logés sur place dans de bonnes conditions, mais peut-être aussi que le quartier va prendre tellement de valeur que ça va être inabordable pour les gens qui y habitaient avant, vous voyez. Donc ça va produire plutôt de nouvelles inégalités que réparer une situation qui était difficile. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. On va peut-être conclure là-dessus pour ce matin. Je voulais juste poser une question très rapide. Bon, j'aurais plein de choses à dire, mais je voudrais juste poser une question très rapide. Est-ce que les centres de missiles fixes ont la possibilité de voter? Oui, oui. Toute la question, c'est la question de la domiciliation et de la possibilité, justement. Non, je pose la question parce que je participe à la commission électorale, à la commission de révision de la liste électorale de la mairie de Tours. Oui. Et il est clair qu'on n'inscrit pas les gens qui n'ont pas une puissance d'eau, d'électricité. Exactement, là, nous donne. Enfin bref, qui n'ont pas une adresse. Oui, oui. Domiciliation. Domiciliation. Voilà. Donc, ils peuvent ne pas avoir d'adresse, mais s'ils ont une domiciliation, normalement, ils peuvent faire valoir les droits et être inscrits sur une liste électorale. D'accord. Parce que ça fait 3 ans que je participe à cette commission, j'ai jamais vu d'inscription sur les listes électorales Mais c'est tellement affolant. Et les personnes qui s'hébergent à la maison de Nanterre et qui sont parfois depuis 15 ans à la maison de Nanterre, et qu'on y va emprunter des livres dans la médiathèque du Petit Nanterre, que c'est le quartier qui se trouve en face, ne peuvent pas emprunter parce qu'ils ne peuvent pas vous rendre compte qu'ils sont habitants de Nanterre alors qu'ils sont là depuis plus de temps que les propres habitants qui sont dans le Petit Nanterre. Donc c'est très intéressant de voir comme il y a les mêmes habitants, ils empruntent des livres pour eux, et les employés de la médiathèque disent ceux qui lisent le plus, ce sont ceux qui viennent de la maison Nanterre. Donc vous voyez, mais pour voir la difficulté de l'accès aux droits et aux bénéfices sociaux. C'est pour ça que je pense que ça serait intéressant que vous rapprochiez d'une association qui domicilie. Il y a des associations qui domicilient les personnes sans domicile fixe. Et que vous preniez auprès d'eux les adresses des gens qui sont donc domiciliés chez eux et que vous procédiez aux inscriptions sur la liste électorale avec les gens. On peut peut-être avoir ce type de discussion en dehors pendant le repas. Si vous voulez bien, si Claire vous en dit, nous vous inviterons à partager un repas là-haut, soyez des travailleurs.